L'obscurité était profonde dans le boulet, mais ses parois cylindro-coniques avaient supérieurement résisté. Pas une déchirure, pas une flexion, pas une déformation. L'admirable projectile ne s'était même pas altéré sous l'intense déflagration des poudres, ni liquéfié, comme on paraissait le craindre, à une pluie d'aluminium. À l'intérieur, peu de désordre en somme. Quelques objets avaient été lancés violemment vers la voûte, mais les plus importants ne semblaient pas avoir souffert du choc. Sur le disque mobile, trois corps gisaient, sans mouvement. Quelques minutes après le départ du boulet, un de ses corps fit un mouvement. Ses bras s'agitèrent, sa tête se redressa, et il parvint à se mettre sur les genoux. C'était Michel Ardan. Il se palpa, poussa un « M » sonore, puis il dit « Michel Ardan, complet, voyons les autres ». Le courageux français voulut se lever, mais il ne put se tenir debout. Sa tête vacillait, son sang violemment injecté l'aveuglait. Il était comme un homme ivre. Puis il cria d'une voix ferme « Nicole, Barbicane !» Il attendit anxieusement. Nulle réponse. Il réitéra son appel, même silence. Ardan sentait la vie lui revenir à flot. Son sang se calmait et reprenait sa circulation accoutumée. De nouveaux efforts le remirent en équilibre. Il parvint à se lever, tira de sa poche une allumette et l'enflamma sous le frottement du phosphore. Puis, l'approchant du bec, il l'alluma. Le récipient n'avait aucunement souffert. Dès que le bec fut allumé, Ardan se pencha sur les corps de ses compagnons. Ses corps étaient renversés, l'un sur l'autre, comme des masses inertes. Nicole, dessus, Barbicane, dessous. Ardan redressa le capitaine, l'accota contre un divan et le frictionna vigoureusement. Ce massage, intelligemment pratiqué, ranima Nicole, qui ouvrit les yeux, recouvrit instantanément son sang-froid, saisit la main d'Ardan, puis regarda tout autour de lui. « Et Barbicane » demanda-t-il. « Chacun son tour, » répondit tranquillement Michel Ardan. « J'ai commencé par toi, Nicole, parce que tu étais dessus. Passons maintenant à Barbicane. » Barbicane fut quelque temps à revenir à lui. « Masson, Nicole, masson avec vigueur !» Et les deux praticiens improvisés firent tant et si bien que Barbicane recouvra l'usage de ses sens.